Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1970, Claude Chabrol, avait 40 ans, est déjà près d'une vingtaine de longs métrages à son actif. En ce début des 70s, il était sans aucun doute à l'un des moments les plus féconds de sa carrière. Il y avait eu La femme infidèle et Que la bête meure, sortait sur les écrans Le boucher, et bientôt viendrait La rupture et Juste avant la nuit. 5 films majeurs en 3 ans. En 1970, c'était sur les paradoxes du cinéaste Claude Chabrol que se penchait France Culture. Paradoxe de sa personnalité, mais aussi de son cinéma, de sa filmographie, riche de joyaux qui, au fil du temps, n'ont cessé de révéler leur valeur, et cependant jalonnés ici et là de ratages et de grandes bizarreries. Faut-il par exemple voir là l'un des paradoxes d'un cinéaste, pourtant parmi les plus exigeants et les plus talentueux, ou au contraire les incidents de parcours inhérents à la manière dont Claude Chabrol concevait son métier de réalisateur? C'était notamment sur ce point que s'expliquait Claude Chabrol dans l'émission qui va suivre, dans laquelle il donnait aussi sa version de ce qu'avait été la nouvelle vague, parlait des comédiens, du statut de vedette de certains, des tendances du cinéma dans la France pompidolienne et de sa vision de l'avenir du 7e art. Après le paradoxe du comédien, place donc à ceux du réalisateur Claude Chabrol, répondant aux questions d'Alain Bosquet. Paradoxe, Claude Chabrol, une émission diffusée la première fois le 24 mars 1970 sur France Culture. Claude Chabrol, vous savez que cette émission s'appelle Paradoxe et qu'elle a pour but, en principe, de déterminer, même de prouver que les personnalités que nous interviewons sont des gens à facettes différentes et même contradictoires. Je pense qu'on peut pousser l'analyse un peu plus loin et carrément, dans votre cas, essayer de voir comment vous concevez le cinéma et quelle a été, au fond, votre carrière avec, si vous voulez, peut-être un accent sur ces aspects divers. Je voudrais vous poser une question d'abord. Qu'est-ce qui a été à vos débuts avec le beau Serge, les cousins? Qu'est-ce qui a été pour vous avec le recul, la nouvelle vague? Je n'ai jamais très bien compris ce que c'était exactement. On m'a assez souvent posé le genre de question, alors vous êtes de la nouvelle vague, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous savez, quand on dit vous faites partie d'un groupe quel qu'il soit, sans savoir exactement à quoi consiste ce groupe, c'est ce qu'on m'avait traité de pape à un moment. Ce qui était encore plus beau. Enfin. Mais enfin, il y a eu une nouvelle vague dont vous étiez là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment, une situation économique du cinéma français qui n'était pas très brillante, qui consistait à faire des films dont le plus aberrant a été juste avant l'arrivée de nos films, c'est aux environs de 50 000, était le film de Lassin qui s'appelait La Loi, d'après Vaillant, qui est une coproduction franco-italienne très chère, où le rôle de la petite fille de 17 ans était joué par Lolo Brigida, où il y avait toute une circulation d'aberrations à l'intérieur de ce film qui l'empêchait qu'on puisse le prendre au sérieux. C'est une guignolade absolument invraisemblable. Et à partir de ce moment-là, on a réussi à ouvrir cette porte mystérieuse qui était celle de pouvoir faire des films, justement parce que tout le système de production était en train de s'effondrer. Alors ils ont cherché, les producteurs, les distributeurs, en fait tous les gens qui s'occupaient de cinéma, ont cherché des voies nouvelles, et il s'est trouvé que, par bonheur, j'avais une espèce d'indépendance financière, parce que j'avais fait un héritage d'une grand-mère, et que j'ai mis cet héritage dans un film. Donc j'ai fait un film sans tenir compte du tout des contingences habituelles, Heureusement que ce film a eu un certain succès, pas un succès énorme, enfin un succès suffisant pour que les financiers de la chose se disent, mais après tout, pourquoi ne pas faire des films bon marché comme ça, qui risquent de rapporter un peu d'argent. Et je crois que c'est comme ça qu'est née cette notion de nouvelle vague, parce que c'est comme ça qu'un certain nombre de gens ont pu faire leur premier film pendant les années 50, disons 58, 59 et 60. Vous savez que les quatre années précédentes, il y avait eu trois nouveaux metteurs en scène, et pendant ces trois années-là, il y en a eu 112. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de rush étonnant, et je crois que ça a été ça, la nouvelle vague. Maintenant, quant à dire qu'il y avait un rapport entre les gens, je crois pas. Moi, si vous me posiez la question en tant que simple spectateur, je vous dirais qu'il me semble que à un moment, il y a 10-12 ans précisément, dans le film français, est apparu ce que j'appellerais un élément peut-être non cartésien. Oui, ça c'est dans certain. Les personnages. Oui, oui, alors certain. Qu'avant, cet élément existait, mais il existait dans le fantastique, dans le mystérieux. Oui. Là, il est devenu, à mon avis, présent dans le quotidien. Il est certain que, en ce qui concerne des gens comme Truffaut et Rivette et quelques autres, enfin, c'était des gens on se connaissait très bien, enfin, on était amis, vraiment. Alors là, évidemment, comme on voyait les mêmes films, comme on discutait beaucoup de cinéma, comme on détestait les mêmes choses, il est bien certain qu'on avait des points communs, ne serait-ce que parce qu'on détestait en commun. C'est-à-dire que on n'avait pas du tout la même notion de ce qu'on voulait faire. Enfin, c'était pas du tout une école, du tout. Mais c'est bien certain qu'on avait les mêmes haines. Quant à l'introduction du nom cartésien, moi, je crois que c'est pire que ça. Je crois que c'est même l'introduction du nom bernsteinien. Enfin, c'est-à-dire, on a essayé de sortir un petit peu les choses d'un stéréotype qui devenait hallucinant. Enfin, peut-être d'une loi, hors d'une loi explicite. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, vous savez, les films réalistes finissaient par appartenir à une tradition de soit de théâtre, soit de cinéma réaliste, mais pas du tout à la réalité. Tous les films se tournaient en décor. Il n'y avait pas une rue qui était tournée dans une rue. Toutes les rues étaient tournées étaient refabriquées en studio. Une rue de studio est une des choses les plus comiques que je connaisse. Je crois qu'on est surtout sorti d'une espèce de tradition réaliste que moi, à votre place, je ne la qualifierais pas tellement de cartésienne parce que elle me paraissait assez folle déjà. Mais je trouve qu'au contraire, on est retourné vers une réalité qui était en définitive beaucoup plus complexe et beaucoup plus diverse, sans doute plus poétique que ne l'était la fausse réalité. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y avait une certaine revendication, disons, sociale ou tout simplement psychologique à l'égard d'une génération ? Est-ce qu'il vous a semblé à ce moment-là être tout de même le porte-parole d'une certaine jeunesse de façon, si vous voulez, tout de même consciente ? Mais c'est en ce qui me concerne, moi j'avais un autre problème qui était purement individuel, c'est que j'ai été élevé dans un christianisme très strict et je l'ai ressenti jusqu'à l'âge de 26-27 ans. Et en définitive, pour moi, c'était une crise de démystification. Enfin, donc, j'étais beaucoup plus égoïste que ça. J'ai pas tellement été sensible à une action que je pouvais avoir à jouer dans. D'abord, moi personnellement, j'adorais la 4e République. Enfin, j'ai une haine profonde des discours politiques et des choses comme ça. Et je trouve que dans la 4e République, il y avait une espèce de ballet de politiciens qui paraissait plus drôle. C'est l'homme de 40 ans qui dit ça. Mais est-ce que vous disiez ça, disons, à 28 ans ? J'aimais assez, je crois. Oui. Je crois que je l'aimais assez. J'ai toujours été plus sensible au grotesque de la politique qu'à sa grandeur. J'ai toujours trouvé que le discours politique. Vous êtes comblé alors en ce moment. En ce moment, c'est admirable. J'ai toujours trouvé que le discours politique était une chose extravagante. Par contre, j'ai une espèce d'oreille musicale, je me rends compte de ce qui sonne juste et de ce qui sonne faux. Je me rends compte quand un acteur dit juste et quand il dit faux, et les discours de politique sont des choses absolument admirables. Au moment de cette admirable émission pour la présidence de la République, pas un des clients ne parlait juste. C'était extraordinaire. Oui, mais c'est pas fait pour parler juste, c'est fait pour convaincre des gens. Mais oui, c'est pas la même chose. C'est très difficile de convaincre sans parler juste. Bon, alors que reste-t-il pour en terminer avec la nouvelle vague telle qu'on vous l'a un petit peu appliquée, non pas à tort, mais parce qu'on aime bien trouver des formules. De notre temps, nous n'avions absolument aucune. On avait pratiquement aucune conscience. Social, on n'avait pas du tout envie de remettre en question l'organisation sociale qu'on nous avait présentée, qui nous paraissait assez ridicule, mais dont on pouvait parfaitement s'accommoder. C'est-à-dire, c'était plutôt le point de vue de Gil Blas. Vous savez, on sentait qu'on pouvait très bien se dépatouiller là-dedans, et même plutôt en s'amusant. Alors que la génération actuelle est une génération beaucoup plus idéaliste que la nôtre. Et je trouve que ça nous fait un bien énorme. Par rapport à qui? À vous, personnellement, par rapport au public? Non, par rapport à nous, ça nous fait un bien énorme. Non, au contraire, on est assez discuté. Beaucoup de types de ma génération, un type comme Godard, par exemple, a été complètement tourneboulé par l'explosion du moine, enfin l'explosion... Ça l'a complètement, en effet, déboussolé. Je pense qu'il y a perdu quelques plumes, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas s'il a perdu les plumes. Enfin, il est devenu autre. Enfin, il a décidé de faire une forme de cinéma complètement enfant-tireur. Enfin, c'est tout à fait autre chose. Il s'est transformé. Il s'est complètement transformé. Moi, ça ne m'a absolument pas transformé. Mais d'un autre côté, je me suis rendu compte que, effectivement, je ne vois pas pourquoi j'acceptais son discussion des données que je trouvais parfaitement discutables et que je ne discutais pas. Donc, ce principe de remise en question ne me paraît pas mauvais, à condition que cette remise en question n'entraîne pas la négation de toute chose, mais simplement de les remettre en question. Enfin, Je suis assez étonné, disons, du ton tranquille que vous mettez à, au fond, parler cinéma, comme d'une chose où vous avez vos possibilités économiques et autres, vos désirs, et au fond un certain manque d'ambition autre que cinématographique. N'est-ce pas? C'est bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'il y a là-dedans de la modestie, ou est-ce que c'est votre sentiment profond que l'homme qui écrit ses propres scénarii, qui fait son film, qui est au fond d'un bout à l'autre maître de l'écran, des acteurs et du reste, est-ce qu'il a pour vous une mission, ou bien il fait une œuvre d'amour, ou bien tout simplement il fait du travail? En ce qui me concerne, moi, pour moi, ça n'est qu'une œuvre d'amour, absolument. Ce n'est ni une mission, ni un travail. Parce qu'un travail, je suis trop paresseux pour travailler, de toute façon. Alors, donc, je ne considère pas ça comme un travail. Et puis, la mission, non. Parce que chaque fois que j'ai discuté avec des cinéastes missionnaires, j'ai été absolument surpris, à la fois de leur inconscience, c'est-à-dire par rapport aux matériaux qu'ils utilisaient, et surtout de l'inefficacité de leurs propos, parce que je n'ai jamais vu de... Par exemple, les gens qui disent qu'ils font des films révolutionnaires sont fous, parce que, ou bien ils font un film révolutionnaire, c'est-à-dire qui est capable de déclencher la révolution, et si c'est une révolution à l'intérieur d'un pays, je ne vois pas comment les autorités de ce pays et l'organisation sociale de ce pays autoriseraient la sortie de ce film, donc ils l'interdiraient forcément. À partir du moment où il n'est pas interdit, c'est qu'il y a une censure dans le cinéma qui est assez serrée. En tout moment où le film n'est pas interdit, je pense qu'il n'est pas révolutionnaire. Bon, et le spectateur, comment envisagez-vous le spectateur idéal qui vient voir un de vos films? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient se détendre, qui vient trembler devant des problèmes qui sont proches des siens ou lointains, ou est-ce que c'est un homme à qui, malgré tout, vous allez ouvrir un horizon? Est-ce qu'il y a là la tentation du nouveau pour vous, ou simplement... ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire l'œuvre d'amour qui n'a pas de prétention philosophique, mais elle peut avoir des prétentions autres que philosophiques. Je voudrais vous demander quel est pour vous ce spectateur idéal. D'abord, est-ce qu'il est très nombreux? Je voudrais qu'il soit le plus nombreux possible, bien sûr. Ça ne vous gêne pas qu'il y ait des masses idiotes? Les masses sont comme des miroirs, c'est-à-dire qu'elles reflètent l'imbécilité de ce qu'il y a sur l'écran. Alors, quand on essaie de faire en sorte que ce qu'il y a sur l'écran n'est pas complètement idiot, et qu'on fait l'effort d'essayer de leur faire comprendre, parce qu'il y a tout un problème de langage qui se pose, quand même, je crois que, en définitive, elles sortiraient plutôt moins bêtes qu'elles ne sont entrées. J'aimerais beaucoup, par exemple, que des gens ressortent moins bêtes, c'est-à-dire en fait moins sûrs d'eux-mêmes, qu'en entrant. Si je réussissais ça, je serais très très content. Mais vous-même, vous êtes content d'une chose, quand vous l'avez faite d'après vos critères, qui sont des critères, et votre environnement, comme on dit aujourd'hui, le prouve, vous êtes, disons, ce n'est pas du tout une injure, vous êtes un intellectuel quand même. Et hélas, oui. Bon. Eh bien, est-ce que vous êtes content d'avoir atteint quelque chose que vous voudriez atteindre par vous-même, par amour de l'autre, de vous et de votre art, tout ça ensemble? Ou est-ce que vous avez besoin de ce spectateur? Je veux dire, pour vous, où est tout de même, malgré tout, ce prosélytisme de la salle noire? Faire un film, c'est pas tout à fait comme écrire un livre, parce que il y a une espèce de joie de communication même dans la simple fabrication du film. Quand on écrit un livre, moi je n'écris pas de livre, mais enfin de temps en temps j'écris des scénarios, c'est-à-dire que le principe est le même, on a une page blanche qu'il faut remplir, même si ça n'a pas une forme définitive, mais il faut quand même remplir la page blanche. J'ai une impression effroyable de solitude à ce moment-là. Ça m'est très difficile. J'ai pas du tout la fibre de l'écrivain, vous voyez. Et par contre, une fois que ce scénario est écrit, qu'il faut le tourner, c'est-à-dire une fois que j'entre en contact avec des amis que j'ai depuis 12 ans maintenant, puisque je prends toujours les mêmes techniciens, et qu'on fabrique ce film ensemble, c'est-à-dire que je sais que je peux compter sur eux, sur certains points, dans certains domaines, qu'on se retrouve ensemble pendant 2 mois pour faire le film, là, il y a déjà une espèce de satisfaction mystérieuse qui est telle que, même, à la rigueur, si le film ne sortait pas jamais, enfin, on ne trouvait aucun client, on ne trouvait pas une personne qui l'admette, à partir du moment où ces 2 mois se sont déroulés d'une façon plaisante entre nous, où on a pu se sentir très bien ensemble, je veux dire, j'aurais pas l'impression d'avoir complètement perdu mon temps. Mais ceci dit, je serais quand même, enfin, c'est mon côté intellectuel qui est embêtant dans ce cas-là et qui me chatouille. J'aurais quand même beaucoup de peine si ce qu'on a fait ne communique avec personne. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la communication. Mon rêve, moi, ça serait de faire un film tellement parfait que toute la complexité de tous les problèmes que les gens puissent avoir se trouve résolue en voyant ce truc pendant 1 heure et demie. C'est évidemment impossible. Mais on peut essayer d'y tendre. Bon, alors, je voudrais vous poser maintenant une autre question d'un autre ordre. Dans votre carrière, vous avez fait combien de films ? 12, je crois. J'en ai fait un peu plus que ça. J'en ai fait 17 ou 18, mais j'en reconnais 12. Vous en reconnaissez 12. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été des erreurs pour vous, vues avec le recul ? Des erreurs, d'abord, disons, dont vous avez été conscient presque au moment même, ou des erreurs que, historiquement, vous reconnaissez. Et qu'est-ce que ces erreurs vous ont appris ? Il y a eu des erreurs que je reconnaissais tout de suite, enfin, qui n'étaient en fait pas des erreurs, mais qui étaient de ce qu'on appelle, en langage cinématographique, des concessions. C'est-à-dire, on se dit, on n'est plus dans un engrenage, on est obligé de le subir, subissons-le le mieux possible. En réalité, on ne peut pas bien le subir, on y laisse toujours des plumes. Il y a ça, et il y a aussi le fait qu'on fait un film et qu'on le rate, et on s'en rend compte très vite. Enfin, mais ça m'est arrivé souvent. Je veux dire, je pense pas avoir réussi un film complètement. On pense toujours que le dernier est à peu près réussi, mais on s'aperçoit avec 6 ou 7 mois de recul que c'était pas vrai, enfin, qu'il y a beaucoup de déchets dedans. Mais de toute façon, ce qui me frappe, c'est que même ces erreurs m'ont été utiles. Enfin, les pires choses que j'ai pu tourner, et Dieu sait que on a vraiment les mains sales quand on fait du cinéma, on n'hésite pas à se mouiller épouvantablement. Pourquoi est-ce qu'on a les mains sales ? Ipso facto, dites-vous. Oui, parce que c'est une industrie, c'est une chose très bizarre, c'est réellement une industrie. Et comme c'est une industrie, on est soumis à la loi de l'offre et de la demande et on est obligé d'en tenir compte. Alors, de deux choses l'une, ou bien on s'enferme dans une espèce de dignité artistique qui consiste à dire « Non, je refuse de travailler, je ne ferai que ce que je veux faire. » Ou bien on dit « acceptons tout. De toute façon, c'est du travail, c'est comme, disons, des gammes pour un pianiste ou des choses comme ça. Et ça me permettra, lorsque j'aurai de nouveau la possibilité de faire ce que je veux, d'attaquer ces sujets avec plus de maîtrise, en connaissant mieux mon métier. » Moi, j'avoue que c'est la solution que j'ai choisie. De toute façon, j'éprouve une telle joie à tourner que il serait très difficile de ne pas le faire. Enfin. Bon, je voudrais maintenant vous demander peut-être une chose assez simple. Vous écrivez vous-même vos scénarios ? Pas toujours. Pas toujours, non. Mais vous avez, au fond, liberté totale dans les films que vous reconnaissez comme étant entièrement les vôtres. Maintenant, j'ai de dit mener oui. Les choses. Depuis 5 films, oui, enfin oui, je fais ce que je veux. Comment se passe un film entre le moment où il est là, noir sur blanc, et le moment de la réalisation? Qu'est-ce qui vous amène à changer, par exemple, un scénario? Je suis obligé d'attendre le moment où je suis sur place pour me laisser une espèce de petite part d'improvisation, qui est une part d'improvisation totale, si je veux dire. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir avant comment les gens vont évoluer dans la pièce, parce que je ne sais pas comment est la pièce, enfin la pièce dans laquelle on tourne. Je ne peux pas savoir le temps qu'il va faire à l'extérieur, qui a aussi son importance, enfin. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu comme ça, et je suis obligé d'être sur le qui-vive. Mais quant à dire à quel moment ça a une influence sur la structure générale du film, je ne peux pas le dire, c'est complètement mystérieux. Oui, donc il y a un mystère même pour vous, le créateur. Ah oui, complet, oui. Vous savez, c'est un drôle de métier dans la mesure où il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu, d'éléments qui vous sont extérieurs malgré tout, même si vous contrôlez tout. le chef opérateur règle ses lumières, enfin, c'est l'acteur qui joue. Et c'est la pellicule qui impressionne, et c'est important aussi. Enfin, le matériau est terriblement difficile à comprendre. Alors, quand tout ça entre en jeu, le mieux est de se remettre à la grâce de Dieu et de se dire, bon, ben, je pense que par là, ça va bien, enfin, que dans cette direction, nous sommes sur la bonne voie. Mais ça n'est qu'une intuition. Et ça va même très long. Vous savez que tous les lendemains de tous les tournages, on voit les rushs. C'est-à-dire on voit ce qu'on a tourné la veille. Et fréquemment, les rushs ne sont pas du tout ce que va être le film. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sortent, qui apparaissent à ces rushs d'une façon absolument évidente et qui disparaissent dans le film. Il y a des choses qui vous paraissent superbes aux rushs et qui disparaissent. Il y a des choses qui vous paraissent ratées aux rushs et qui finissent par se retrouver au moment où le film est terminé, c'est-à-dire au moment où le mixage est fait même, c'est-à-dire au moment où tous les éléments du son et tous les éléments de l'image se trouvent réunis. Et c'est à ce moment-là que le film apparaît. Et entre le moment où vous l'avez conçu et le moment de ce mixage, le moment où le film apparaît, vous êtes dans l'obscurité la plus totale. C'est pas désagréable. Vous avez fait deux films, dont un tout récent, et je parle au passé puisqu'il a quelques jours à peine, Le Boucher, puis vous en avez fait un en début de carrière, où vous avez fait jouer, je dirais, presque une collectivité, en tout cas des acteurs qui ne sont pas professionnels, des villages qui ont pris part à l'action que vous avez mobilisée. Est-ce que ça n'est pas un petit peu votre marque personnelle, cela ? Ça dépend des endroits. Il y a des régions de France où il est très difficile de faire jouer des amateurs. Dans le Midi, par exemple, bizarrement, c'est très difficile. Pourquoi ils parlent trop ? Oui, enfin, ils ont tendance à en faire. Ils ont tendance à jouer la comédie. Et par contre, j'ai été tout à fait surpris, dans le Périgord, qui est un pays que je connaissais très peu, enfin, de voir à quel point les gens, d'abord, nous ont accueillis d'une façon tout à fait différente de la façon dont on accueille des cinéastes d'habitude. On n'a à aucun moment été bêtes curieuses. Enfin, ils nous ont assimilés comme une bête assimile des insectes. Ils nous ont complètement digérés. Et quand on a été digéré, on était très bien dans le ventre de ce village et on y restait avec la plus grande joie. Si bien vous avez pu diriger des gens tout à l'heure. Ça a été très étrange, c'est-à-dire qu'on avait à peine besoin de la diriger. On leur disait, voilà, là c'est l'enterrement et vous faites les condoléances à ces gens. Et j'ai rarement vu, il n'y a pas un figurant professionnel qui aurait été capable de faire ça avec autant de vérité. Enfin, c'était vraiment un enterrement. Mais quel est pour vous alors le rôle de la vedette ? Je ne crois absolument pas à la nécessité d'une vedette. C'est-à-dire qu'il y a même une raison très bêtement économique. Une personne est vedette par rapport à une personne qui ne l'est pas. Elle est vedette en fonction de l'argent qu'elle demande, en fait. C'est un problème de cachet. Et il suffit de refuser de payer un cachet de vedette pour ne pas avoir de vedette. Moi, personnellement, je ne veux pas, dans mes films, donner trop d'argent aux acteurs. Je veux bien en donner raisonnablement, mais je ne vois pas pourquoi leur prix serait deux fois plus cher que le coût du film. Remarquez que c'est une bonne affaire, parce que finalement vous allez révéler des inconnus sans arrêt. Oui, mais je trouve que, pas des inconnus, mais il y a tout un tas de comédiens. Écoutez, j'ai fait un film avec Michel Bouquet, je trouve assez extraordinaire qu'on ait jamais songé lui donner le rôle principal d'un film. Oui, dans La Femme Infidèle, oui, évidemment, ça. Oui. Ça m'a paru quand même assez étrange qu'on n'ait jamais songé à lui confier le rôle principal d'un film. Et il était parfaitement capable de le tenir, vous savez. Et il y a un nombre assez considérable de comédiens en France. Moi, je trouve que bizarrement, en France, on est dans un état privilégié parce qu'il n'y a pas de vedettes. Je veux dire, à l'exception peut-être de Funès ou de gens comme ça. Gabin. Gabin a fait des films qui ne marchaient pas. C'est-à-dire que on donne une somme astronomique à une vedette. Et on s'aperçoit que cette vedette ne fait pas rentrer les gens dans la salle. Parce que le but d'une vedette, c'est de faire rentrer des gens dans la salle. Or, on s'aperçoit que sur un film, elle n'a fait entrer personne. Bon. Eh bien, le film suivant, la vedette reste encore un peu vedette. Mais si deux ou trois fois ça se renouvelle, la voici qui n'est plus vedette du tout. Elle redevient comédienne parce qu'elle est obligée de diminuer ses cachets. La vedette, c'est uniquement une question de cachet. L'origine des vedettes, ce ne sont pas les comédiens eux-mêmes. Je crois que ce sont les agents, les impresarios. Parce qu'une vedette n'a pas besoin de tout l'argent qu'elle demande. Mais l'impresario est très content d'avoir 10% de cet argent. Oui, parce que écoutez, ces 10% deviennent des sommes raisonnables. Oui, on ne va pas, si vous voulez, parler argent. C'est passionnant, bien entendu. Et vous abondez dans le sens d'un article fameux, il y a une semaine et demie, dans un grand magazine américain, le plus grand d'ailleurs, où il y avait des révélations extraordinaires sur précisément la chute du végétariat à Hollywood. On a appris que pour un film célèbre, Dustin Hoffman avait touché à peine 20 000 $ pour la vedette du film, ouais. Et que désormais on travaille au pourcentage. C'est donc au fond, c'est un bien que tout cela. Que vous arrive-t-il, Claude Chabrol, lorsque vous avez un phénomène assez curieux qui a été, disons, le succès tout récent et énorme, en tout cas dans la presse, aux États-Unis, de La femme infidèle, un film qui a été très très bien accueilli en France et qui là-bas semble avoir trouvé, disons, une chaleur beaucoup plus grande. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous révèle à vous des choses profondes, ou est-ce que vous dites tout simplement, bon, eh ben, quelques millions d'hommes ont trouvé que ça correspondait à quelque chose? Est-ce que ça vous concerne, ce genre de révélation? Le fait que La femme infidèle ait été sensible aux Américains m'a confirmé en quelque chose, c'est que la façon dont je vois la civilisation américaine à l'heure actuelle est juste, parce que, effectivement, le héros de La femme infidèle et un de ces drames qui se retrouve un petit peu américanisé sans rendre compte. Bon, il y a très peu de films qui n'aient pas son pays. Quand vous faites un film qui réussit à se vendre un petit peu dans les pays étrangers, c'est très rare qu'il n'y ait pas un pays, et souvent complètement inattendu, où ce film marche, enfin où ce film ait son éclat. Et des fois, c'est très étrange. Évidemment, il vaut mieux avoir les États-Unis que l'Afghanistan. Parce qu'il y a plus de monde et puis c'est malgré tout plus intéressant directement. Mais il y a toujours un pays comme ça, et très mystérieux souvent. Par exemple, j'avais fait un film qui est entièrement fait sur des accents, qui est une espèce de pitrerie, qui s'appelait Marie Chantal contre le docteur K, qui était une pitrerie vraiment. Et qui était fait sur des accents. Il y avait juste une vague histoire d'espionnage. J'avais des espions russes qui avaient l'accent italien, des espions anglais qui avaient l'accent de Belleville. Enfin, les accents se mélangeaient. Eh bien, ce film a fait un véritable triomphe en Suède. Mais c'était doublé ou pas? Non, c'était... On a fait un véritable triomphe en Suède. C'est, allez donc savoir pourquoi, je ne le saurais jamais. C'est inconcevable. Quels sont vos projets après le boucher? Je vais adapter un bouquin... Vous savez que j'adore la littérature, la semi-littérature policière. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait le roman policier de gare, c'est des gens qui ont certaines ambitions, mais qui les expriment par le truchement d'une affabulation policière. Enfin, bon. Alors il y a une bonne femme qui a écrit des romans, enfin elle n'en écrira plus, la pauvre, puisqu'elle est morte l'année dernière, mais qui s'appelle Charlotte Armstrong, et qui a écrit un livre qui m'a très intéressé, qui s'appelle Le jour des parcs, que je vais tourner d'ici un mois. Et qui a cette caractéristique, c'est que c'est un truc, un sujet très très ambitieux, puisqu'il s'agit de l'aliénation du cerveau, c'est-à-dire de toutes les formes de l'aliénation du cerveau. Et ça m'intéresse vraiment au plus haut point, sous une affabulation semi-policière. Une dernière question, évidemment, sur l'avenir du cinéma. Est-ce que la télévision, si elle se développe comme dans les autres pays, c'est-à-dire si on a un jour, non pas trois pauvres chaînes, mais 7 ou 8, comme en Amérique il y en a 13 à 16 selon les régions, et où les gens ne vont plus au cinéma, absolument plus, sauf dans les très grandes villes. Est-ce que vous estimez que la télévision peut constituer un danger réel pour le cinéma tel que vous le concevez aujourd'hui? Mais je ne pense pas, parce que je crois qu'il va se passer une chose. Je crois qu'il va déjà y avoir les gens vont en avoir assez de leurs petits appareils. Ils vont vouloir quelque chose d'un peu plus grand. Et comme ils vont avoir des postes un petit peu plus grands, et ils vont avoir des postes de plus en plus grands et de plus en plus perfectionnés. Et ils voudront inviter des amis à voir la qualité de ce poste plus grand et plus perfectionné. Si bien qu'il va se passer la chose suivante, on va retrouver une trentaine de personnes ou une vingtaine de personnes devant un écran légèrement plus grand. C'est-à-dire, on va peu à peu se rapprocher du cinéma, avec l'avantage qu'il n'y aura pas les ouvreuses, qu'il n'y aura pas l'entracte et tout ça. Si on peut éviter la publicité à l'intérieur du film. Et encore, en ce qui concerne la télévision, moi je suis assez pour interrompre un spectacle d'une heure et demie par 3 minutes de publicité, ce qui permet de se détendre, d'allumer une cigarette, d'ouvrir un verre de bière et de repartir comme en 14. Et de boucler un budget. Et je crois aussi que la reproduction magnétique de l'image va être de plus en plus répandue. C'est-à-dire que même dans les salles de spectacle, je crois qu'il n'y aura plus de copie de film. Il y aura une copie générale qui sera reproduite comme ça, magnétiquement, dans un certain nombre de salles. Comme ça, on a déjà fait ça avec avec les Jeux Olympiques. Et je crois qu'il est très question de faire ça de plus en plus souvent. Et en plus, il est question aussi de faire les mini-cassettes, c'est-à-dire de faire des espèces de cassettes qui contiendraient des films, qu'on mettrait dans un petit appareil à côté de la télévision et qui produirait un film. Ce serait comme une bibliothèque. Je voudrais une dernière question qui va être un peu méchante. Pas pour vous, mais pour l'ensemble du cinéma français, il me semble. Vous êtes un homme, disons, entre deux générations. Vous n'êtes plus le plus jeune. Vous n'êtes pas encore. Je ne suis pas le plus vieux. Non. Bon, lorsque nous voyons deux ou trois films suédois, je ne veux pas dire les films suédois faits pour les faux déshabillages. Lorsque nous voyons de temps en temps un film russe mystique, ça nous est arrivé. Lorsque nous voyons un chef-d'œuvre, je crois, comme le Cowboy de minuit, appelé en France curieusement Macadam Cowboy, il y a une certaine audace. J'ai l'impression qu'à côté de ça, le film français récent, à l'exception d'un film qui n'est qu'à moitié français, qui est Z, que le film français est non seulement, disons, prudent, mais il est lâche. Il n'est pas tout à fait à la hauteur des problèmes de notre temps. Est-ce que vous ne pensez pas que le cinéma français dans son ensemble, sans citer de nom nécessairement, n'a pas ce côté un peu replié sur soi? Est-ce que nous sommes responsables, tous ensemble, du fait qu'il y a une autocensure, ou bien est-ce que vous croyez que nous sommes en retard? Mais je crois déjà qu'il y a une censure tout court. Ça, oui. C'est certain, il y a une censure. Qui n'est pas terrible, mais enfin, il y a une censure. Non seulement il y a une censure, mais il y a des barbons. Il y a un nombre considérable de barbons. Par exemple, je trouve quand même un peu anormal que des gens qui dirigent, et qui sont pas particulièrement stupides, ces gens qui dirigent des grands hebdomadaires littéraires, veulent absolument reconduire à la porte du pays tous les étrangers, qui amènent des choses un peu originales. Enfin, il y en a un qui veut reconduire à Rabal, il y a l'autre qui veut reconduire Pasolini, ils veulent. Il n'y a pas longtemps, on voulait reconduire Beckett aussi. On voulait reconduire Beckett aussi. Enfin, c'est-à-dire que ça devient. Oui, c'est vrai. c'est assez effrayant. Ceci dit, il faut que les choses se fassent. Je crois qu'il faut jamais forcer les choses ni le talent des gens. Si le cinéma français se complaît dans une espèce de ronron, je pense pas que ça soit pour toujours. Je crois que ça serait mauvais de faire un forcing. Je trouve que les films les plus engagés politiquement qui étaient faits sont malgré tout, qu'on le veuille ou non, les films de Godard. Et moi, qui est suisse, je veux bien, mais enfin, qui est de culture française, ça m'a frappé. Je trouve que c'est bien. Ce problème ne me touche pas du tout, mais je sais très bien où je veux en venir, et ces problèmes ne me touchent pas du tout. C'est-à-dire que le jour où j'aurai besoin de traiter la dépravation des mœurs, ou la non-dépravation, ou la liberté des mœurs, enfin la façon... Hein, je le traiterai, je suis sûr que personne ne m'embêtera, mais je serai obligé d'être tout stick, c'est-à-dire je serai obligé de passer à travers des mailles, malgré tout. Ces mailles qui n'existent pas dans d'autres pays. Vous savez, aux États-Unis, il est quand même possible... Un film comme Macadam Cowboy pourrait à la rigueur se faire en France, mais avec des difficultés. Enfin, il y aurait beaucoup de problèmes de censure. Mais tout film politique est pratiquement impossible. Z, par exemple, n'est un film politique que par la bande. Enfin, il est politique parce qu'il est censé se dérouler dans un pays imaginaire que l'on peut penser être la Grèce, mais en tout cas pas la France. C'était Paradoxe avec Claude Chabrol au micro d'Alain Bosquet, une émission diffusée la première fois le 24 mars 1970 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.